Salut les amis, c'est Sofiane, on se retrouve pour un nouvel épisode du podcast. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste. Voici Galère d'humoriste avec aujourd'hui Nilsson. Salut Nilsson, comment tu vas? Mais tu m'as eu avec la première vanne, avec la première phrase de ce que tu viens de dire là. C'est en forgeant qu'on devient forgeron et c'est en galérant qu'on devient humoriste, mais tu as tellement raison. Si tu savais, salut mon ami, comment tu vas? Ah ben, ça va super, merci et merci d'avoir accepté l'invitation. Ah ben, plus, de toute façon, je ne pouvais pas la refuser. Il y a rien à faire en ce moment, on est confiné. On est au chômage technique, psychologique. Donc, autant te dire que là même, tu me demandes de faire pas un jeu en ligne, mais tu me demandes de faire n'importe quoi, je te dis oui, juste d'accord, pour échapper de l'ordinaire. Donc ça va, okay, mon ami. C'est à moi de te remercier, tu m'as sorti de mon quotidien et ça, c'est cool. Avec grand, grand plaisir. Bah, du coup, je ne sais pas vraiment comment prendre le fait qu'il n'y ait rien à faire et que tu aies accepté l'invitation. Mais donc, non, c'est toujours un plaisir. Je sais que les humoristes, on a du plaisir à parler d'humour et tout. Et mon podcast est fait pour ça. Et justement, oui, toi, ça fait quelques années déjà que tu fais de l'humour. Ça doit bien faire 10 ans, je pense. Oui, une bonne dizaine d'années. Mais d'habitude, je dis que je ne fais que deux. Ça fait que deux ans. Comme ça, tu sais, j'ai toujours l'impression d'être un jeune humoriste. En gros, je suis un jeune humoriste depuis 2010. Voilà. Bah, mais tu sais quoi, on va la refaire, t'inquiète pas. Donc, Nilsson, du haut de seulement tes 2 ans de carrière. Tout à fait. Voilà, j'imagine que tu as eu quelques anecdotes, quelques pépites que tu vas pouvoir nous raconter. Oui. Peu d'expérience. Je n'ai jamais rencontré de producteur véreux. Je n'ai jamais rencontré de copain ingrat. Je n'ai jamais rencontré d'humoriste qui te pique des vannes. Je n'ai que 2 ans de métier. Donc, tous ces gens-là, je ne les ai jamais rencontrés. Des gens bien. Je suis dans un monde de bisounours. Voilà, ce sont des légendes. S'il te plaît, j'aimerais qu'on mette les choses au point. J'aimerais qu'on dise aux gens que tous les humoristes sont gentils, tous les producteurs sont honnêtes et jamais un seul humoriste n'a piqué une blague au monde. Mais les humoristes, mais pour qui vous prenez les humoristes? Les Français savent que les humoristes sont honnêtes. Oui, et ils ont voté Macron. tu te rends compte qu'en faisant ça, je suis en train de me mettre à dos tous les humoristes de France. T'es au courant de ce fait. Bon, bah, écoute, j'espère que tu n'avais pas prévu de faire une grande carrière. Hein. Bon, après tout, ça va, ça fait que 2 ans que tu fais de la scène, tu as le temps de te retourner. De toute façon, même si j'avais envie d'avoir une grande carrière, j'ai des enfants maintenant. Donc, autant te dire que c'est fini tout ça. Hein. Maintenant, tu te rends compte, mon pote, je suis vraiment devenu une loque. J'ai acheté une yaourtière. Tu te rends compte, j'ai acheté une yaourtière. Ah non, tu vas trop loin. Là, tu vas trop loin, Nilsson. Je suis désolé, tu vas trop loin. Et pas la 6 pots, hein, la 12 pots. Parce que soi-disant, c'est plus économique. Non, mais tu te rends compte à quel niveau de décadence je suis. Et le pire, c'est que je me suis dit, il faut acheter des bocaux en plus, tu vois. Donc, autant te dire que là, j'ai touché le fond. J'ai touché le fond, mon ami. C'est fini. On est à combien de te voir en salopette sur scène? Alors, normalement, j'ai laissé tout tomber. Voilà, maintenant, je fais les campings, tranquillou. Le mec n'a plus aucune dignité. Je fais les campings, tranquillou. Je me suis mis auto-entrepreneur. Et puis voilà, quoi, tu vois. C'est quoi comme statut, humoriste? Non, auto-entrepreneur, voilà. Je fais 2 blagues en faisant du carrelage. Voilà mon métier maintenant. Mais sinon, plus concrètement, je reviens sur scène à partir de septembre. Là, j'enchaîne une tournée d'à peu près 170 dates, 170 représentations. Ouais. Génial, on pourra suivre tes dates sur les réseaux sociaux, j'imagine. Réseaux sociaux, sur mon site nilsson.fr. On mettra ça à la fin du podcast dans la description. Mais avant de faire tout ça, j'aurais voulu savoir quelles étaient les anecdotes qui t'avaient marqué, toi, dans ta courte carrière. 2 ans, s'il te plaît, courte carrière. Alors, qu'est-ce qui m'a vraiment marqué? Le festival d'Avignon. Fais juste attention, tu vois, pour qu'on garde vraiment le truc nickel. Fais juste attention à ne pas me dire « Ouais, c'était il y a 6 ans ». Non, on est sur 2 ans, donc transforme 6 ans en 6 mois, d'accord? D'accord, 6 ans en 6 mois, ok, il n'y a pas de souci. Bon, on est bien d'accord, quand on parle d'anecdotes, c'est plutôt des galères, parce que les trucs sympas, on s'en fout. C'est des choses qui t'ont marqué, ça peut être des trucs sympas aussi. Le festival d'Avignon, où tu joues 1 heure, tu tractes 8, tu dors 2, tu bois 4… question de mathématiques, ouais, en effet. Voilà, où en fait tous les humoristes Ils sont tellement à cran avec le soleil, la chaleur, la fatigue. On est tous là en train de flâner toute la journée. Et puis, on se ment à nous-mêmes. T'as rempli, toi? Ouais, j'ai rempli, j'ai rempli. Et toi, t'as rempli? Ouais, j'ai rempli alors que t'en as que deux dans ta salle. Je pense que la magie d'Avignon, c'est qu'il n'y a que des spectacles complets, c'est fou, hein? Mais je te jure, c'est tout le monde cartonne à Avignon. Mais vraiment, c'est juste dinguissime. Ouais, donc Avignon, tu en gardes quand même un souvenir. Donc c'est dur. Maxime Sandré avait une image par rapport aux Deux-Sèvres. Il me disait que c'était le. Donc lui, il est dans les Deux-Sèvres là-bas. Et il me disait que c'était le Vietnam pour les humoristes. J'ai l'impression que le Festival d'Avignon, c'est un peu le Vietnam aussi pour les Oui. humoristes. Voilà, c'est genre la Oui. guerre toute la journée, à tracter sous Oui. le soleil, vraiment Mais... un soleil de plomb. Ah oui. Mais attention, tu as une marque de respect derrière. C'est-à-dire que dans ta carrière, tu dis, j'ai fait le Festival d'Avignon. Tous les artistes qui ont fait le Festival d'Avignon, quelque part, ils te respectent parce qu'ils disent, lui, là, lui, on a fait la même guerre, quoi. Donc, quelque part, tu es respecté. Et Maxime, il a bien dit, c'est le Vietnam. C'est vraiment le Vietnam. Donc, c'est ouf. Maxime, c'est à chaque fois, oh, c'était dégueulasse ce que je faisais avec lui parce qu'on jouait dans le même théâtre, tu vois, et je faisais des blagues morbides. Genre, il rentrait dans la loge, moi je sortais, on changeait la loge parce qu'il jouait genre à midi et moi je jouais à 13h. Il rentrait dans la loge, je disais, mais t'es encore là, toi? Bon, bah c'est cool, on y va, on continue et tout. Et il me dit, Nissan, je ne lâche rien. Et le mec, il buvait deux canettes de Red Bull, il était fou parce qu'il ne lâchait rien. Et vraiment, c'est juste dingue. C'est un des mecs, d'ailleurs, c'est un des mecs que j'apprécie le plus dans le milieu. Ouais, c'est Vraiment. Parce qu'il est. les plus sympas, c'est quelqu'un de parole et tout. Il était dans le Ah, il est podcast. cool. Ah, franchement, c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un que j'apprécie particulièrement. C'est vraiment une de mes plus belles rencontres dans le métier. C'est un gars droit et tout. Et puis, il joue, tu vois, ça fait des années qu'il est sur scène. Voilà, c'est un warrior, quoi. C'est un guerrier, c'est ça. Exactement. Moi, monsieur, alors, je vais faire comme les politiciens. Je partage tout à fait votre avis. C'est un humoriste de cœur. C'est un humoriste qui en a dans la tête. C'est un humoriste qu'on doit suivre, je pense, aujourd'hui, demain et même après-demain. Voilà. Hein. Tu me Tu fileras vois. 50 balles pour le sponsoring de Mathieu Sandré? Surtout quand il saura que tu l'as appelé Mathieu, je pense qu'il te donnera plus que 50 balles. Oh, purée, Maxime. Maxime Sandré. Oh là là. Ça, c'est bon. Mais tu sais que j'organise des lives de temps en temps et je l'ai fait venir dans un de mes lives et tout. Et ce mec-là, carton, carton. Un jour, tu sais qu'à Avignon, d'ailleurs avec lui, hein, à Avignon, on avait chopé, je ne sais pas comment, on s'était démerdé. On est allé chercher une chaise, un fauteuil roulant. Maxime s'était assis sur le fauteuil roulant et moi j'étais derrière et on chantait Hiya, remember, Hiya. Les gens passaient. La version, Et moi, ouais. je disais, mesdames et messieurs, on fait un remake d'Intouchable, c'est Intoussable. C'était le titre de son spectacle, en fait. Et donc, on était tous les deux, et c'était vraiment, vraiment, vraiment drôle. Les gens, ils n'en pouvaient plus. Ils n'en pouvaient Ah, plus. c'est génial. Bah ouais, c'était la version low cost d'Intouchable, quoi. Bien sûr, bien sûr. On a quand même eu du monde derrière, qui est venu voir nos spectacles. Tu sais combien de personnes? Vas-y. Trois. Bah, ça fait au moins deux Avignons, ça, trois. Trois, oui, ça fait au moins deux Avignons. Ah bah oui, franchement, c'est une nouvelle unité de mesure maintenant. Faut mesurer en Avignon, tu sais. Genre, alors, non, mais c'est quoi, si on se fie aux réseaux sociaux, les gens qui disent, tu sais, qui mettent des photos, genre, ouais, ce soir c'était le feu et tout, machin. Déjà, t'as que la photo, donc t'es pas sûr que réellement le spectacle est cartonné. Et puis, les mecs, des fois, ils vont dire aux gens, levez-vous tous, s'il vous plaît, levez-vous tous. T'sais, il va demander aux gens de se lever pour la photo. Il va prendre la photo, il va rien dire. Hein. Il va pas dire c'est une standing ovation. Il va juste dire ce soir c'était le feu. Et comme les gens sont déjà debout, ils peuvent pas se rasseoir, tu vois, ça se fait pas de se rasseoir. Déjà, et le mec, il prend la photo, mais il dit rien, tu vois. Il joue sur le vice, il va jouer sur le vice et tout. Et hop, du coup, derrière, toi, tu as l'impression que le mec, il a eu vraiment une standing et qu'il a dit aux gens, attendez, je vais prendre une photo. Non, c'est lui qui a provoqué ça. Voilà, les réseaux sociaux, c'est beaucoup de manipulation, beaucoup de trafic d'images et de trafic de mots, tu vois. Il y en a qui en profitent. Et bon, bah, après, c'est leur choix. Hein. Moi, je sais que il y a des fois où j'ai assisté à des choses. Et ensuite, j'ai vu le résultat sur les réseaux sociaux. La personne qui était sur scène, elle a menti. Elle a menti. Je ne vais pas te mentir, mon frère. Ouais. Oh, purée. Tu me fais trop Non. rire, frère. En fait, c'est toi, copie comique. Tu vas dans les salles des gens, tu regardes ce qui se passe, et puis après, tu balances, tu dis, ça, c'est pas bon, ça. Ça, c'est pas toi, ça. Mais tu sais que j'aimerais tellement te dire que c'est moi. J'aimerais tellement te le dire. Copie comique, mais j'ai du respect pour ce mec ou cette meuf. Hein. On ne sait pas si c'est un homme ou une femme. Franchement, j'ai du respect pour cette personne. Mais laisse tomber. J'applaudis. Hein. Moi, j'appelle stand-up killer. Tu vois, c'est lui, il arrive, il fait, il regarde les gens qui font du stand-up, il regarde les gens qui font de l'humour. Et il balance deux, trois trucs et boum, ça explose, tu vois. Bon, ah, bah après, ouais. Là, il s'est calmé un peu, mais sa chaîne s'est calmée un peu. Je pense que le gars, il s'est fait arrêter par d'autres humoristes, je ne sais pas comment. Mais en tout cas, c'était pas mal. Hein. C'était vraiment pas mal. Hein. Moi, je soutiens totalement l'initiative, mais je ne pense pas que ce soit quelqu'un qui l'ait arrêté ou quoi, parce qu'il est protégé par son anonymat. Il n'y a aucune obligation qu'il révèle son identité. Moi, je pense que c'est juste qu'en ce moment, ça a calmé le jeu. T'as pas remarqué qu'il y en a beaucoup moins maintenant qui piquent des vannes? Ah bah oui, et quelque part, tant mieux. Mais je suis tellement content. Moi, je et t'as pas remarqué que du coup, il y a beaucoup moins d'humoristes? aussi. Bizarrement, il y en a moins qui se lancent. Bah oui. Bah, il faut pas déconner, quoi. Moi, ça me dérange pas qu'il y ait eu des vidéos comme ça. Et s'il y en a moins maintenant, ça me dérange pas non plus parce que ça veut peut-être dire qu'il y en a moins qui volent des vannes. Moi, je trouve que c'est ça. Et c'est une très bonne nouvelle parce que ça pourrit le truc, ça gangrène l'humour, tu vois. Nous, on veut des gens... Je préfère avoir des mecs moyens avec leurs idées que des mecs qui cartonnent avec les idées d'un autre, quoi. Oui, après, il y a quand même un truc qu'il faut souligner. Moi, je pense que c'est important de le souligner. C'est qu'en fait, aujourd'hui, on n'en vante plus rien. Et c'est pour ça que le stand-up fait cartonne, parce qu'aujourd'hui, on n'en vante plus rien. C'est notre vécu d'une situation qui se démarque de la situation d'une autre. Deux personnes peuvent vivre en couple, mais c'est un vécu dans le couple qui va être différent de l'autre vécu, qui va faire qu'en fait, deux personnes peuvent raconter une histoire, un même fond, sans forcément utiliser la même forme, tu vois. Là, ouais. Sur le coup, il y a de l'originalité, mais il y a pas de, enfin, il y a de l'innovation, mais pas de l'originalité. C'est-à-dire que, ben voilà, enfin, je suis devenu papa, autant te dire que moi, aujourd'hui, j'ai plusieurs choses à te dire sur la paternité. Et sur la parentalité, mais je vais faire attention à faire en sorte de ne pas raconter les mêmes choses habituelles, genre dire que les enfants c'est chiant, que les enfants ça fatigue. Non, je vais plutôt axer sur moi, mon vécu à moi, ce qui me touche et ce qui m'a sensibilisé lorsque j'ai eu un enfant. Et par exemple, moi c'était la peur. J'ai tout le temps peur qu'il lui arrive quoi que ce soit. Et c'est cette peur-là que je vais. Tu sais, ta gamine, pendant des mois, elle ne fait pas des nuits. Et le jour où elle décide de faire sa première nuit au complet, c'est toi qui ne dors pas. Parce que tu t'aimes, parce que tu penses qu'il y a un souci, parce que tu vas aller vérifier avec ton doigt si elle respire. D'ailleurs, c'est très, très con d'aller vérifier avec son doigt si elle respire. Juste à mettre ta main au niveau du ventre et tu peux avoir le même résultat. Mais nous, comme nous les parents, comme des cons, on met notre doigt au niveau de son nez pour vérifier si elle respire. Bon, bref, tout ça pour dire que... Eh ben, on a une autre vision des choses que nous vivons, et c'est cette vision-là qu'on doit transporter sur scène. Et même si plusieurs personnes peuvent parler du couple, de la famille, de la politique, c'est le vécu que nous on a vis-à-vis de ça qui va faire la plus-value, tu vois, dans le stand-up ou dans le one-man. Et c'est ce qui peut rendre justement les choses, les sketchs originaux, tout simplement. Oui, oui. Oh, j'ai totalement j'ai bien parlé, là. Ah, t'as très... Ah, franchement, bravo. Là, tu sais quoi, je t'applaudis. Hein? Et franchement, moi-même, je m'applaudis parce que je vais écouter ton podcast, je vais couper cette partie-là, je vais me l'enregistrer et me le mettre moi-même, et quand je n'aurai pas de motivation pour écrire des sketchs, je vais me redire ça. Tu vois ce que je dis ou quoi? Bien sûr, tu te fais de l'automotivation et t'as totalement raison. Mais... Moi, je suis d'accord avec toi dans ce que tu dis, quand tu dis que tout a été déjà fait, entre guillemets, qu'on ne va rien inventer de nouveau, et il faut mettre sa patte, en fait, il faut mettre vraiment ton vécu, et je pense qu'aujourd'hui, c'est difficile, à moins que ce soit un nouveau phénomène de société dont tu veux parler, c'est difficile de traiter un sujet qui n'a pas déjà été traité de mille façons différentes. Mais le plus important, c'est pas de traiter un nouveau sujet que les gens ne connaissent pas, le plus important, c'est de le traiter avec un angle original. Le plus important, c'est exactement l'angle. Voilà, parce que tu peux très bien faire un sketch sur quelque chose de nouveau, totalement nouveau, qui n'a jamais été traité, mais être complètement naze. Et à l'inverse, tu peux très bien prendre un sujet qui a été traité de mille façons différentes. Le premier qui me vient à l'esprit, c'est le couple, tu vois. Le couple, voilà, qui n'a pas parlé de couple? C'est vraiment les relations hommes-femmes, c'est tout le temps comme ça et tout. Donc, dans ces cas-là, tu peux faire un sketch sur un sujet complètement éculé, mais en faisant très attention à avoir un angle intéressant et y injecter ton vécu. Parce que les gens aiment la sincérité et je pense que tu l'as ressenti ça. Quand les gens sentent que le texte que tu leur débites, c'est quelque chose que tu as vécu et que tu véhicules sur scène, ça va être vraiment plus apprécié que s'ils sentent que c'est complètement inventé, tu vois. Je suis d'accord. Les gens aiment la sincérité et je pense que plus tu es sincère, moi, je ne sais pas comment tu es, toi, en tant que spectateur. Moi, je sais que maintenant que je suis vraiment blasé, entre guillemets, j'ai tout regardé ce que je pouvais comme stand-up sur Netflix et tout. Dès qu'il y a un nouveau spectacle, je vais le regarder, tout ça, je saute dessus. J'ai vraiment regardé, on va dire, les classiques, tout ça, pour vraiment m'instruire un petit peu sur ce qui se faisait déjà. Et aujourd'hui, ce qui me fait le plus plaisir, c'est même pas une vanne qui va être super drôle, c'est une vanne qui va être super sincère, tu vois. Bien sûr, il faut que ce soit drôle, mais si je sens que le mec il est sincère dans ce qu'il raconte, je vais éclater de rire d'autant plus naturellement. Ouais, c'est grave, mais je suis d'accord. Moi, j'évite, du coup, justement, de regarder trop de stand-up. Moi, je regarde plus, j'essaie de regarder plus des comédies, des films, d'autres choses qui me changent un peu de ce milieu-là, parce que mine de rien, ça peut vite te blaser. Ça peut vite te blaser de l'humour. Moi, j'ai peur d'être blasé de l'humour. Donc, du coup, je regarde un peu moins. J'ai quand même mes classiques. C'est le genre de personne, dès qu'il sort un spectacle, je vais regarder. Mais après, j'évite. Ça peut m'arriver d'être blasé, je te cache pas. Mais ce que je fais, en fait, j'alterne. Tu vois, un coup, je vais regarder une série, un coup, je vais regarder un film, un coup, je vais regarder du stand-up. Mais j'aime bien alterner, justement, parce qu'en fait, je me blase de tout au final. Je sais même pas si ça se dit comme ça, mais en gros, je peux être blasé de tout, absolument tout. C'est-à-dire, à force de regarder que des films, ça me blase à un moment, tu vois, j'en ai marre. À force de regarder des séries, ça me saoule aussi, tu vois. J'aime bien entrecouper. Donc, un coup, ça va être série, un coup, ça va être film, un coup, ça va être stand-up, un coup, ça va être émission, je sais pas, tu vois. Vraiment de tout, j'essaie de regarder vraiment de façon très éclectique et ça me permet de pas me lasser au final. Mais du stand-up, moi, c'est mon côté geek de l'humour un petit peu, même si, bien sûr, j'ai pas regardé le quart du centième de ce qui se fait, mais dès que j'ai l'occasion de regarder des nouveaux specials sur Netflix ou des trucs comme ça, je saute dessus et je saute dessus avec encore plus d'appétit quand c'est quelqu'un que j'attends. En fait, la différence, je pense, entre toi et moi, c'est que toi, tu vas regarder les stand-up vraiment des personnes que tu suis et que tu apprécies. Moi, je vais regarder tous les stand-up, mais la différence, elle va se faire au niveau de combien de temps je vais mettre à le regarder, tu vois. C'est-à-dire que quelqu'un qui sort un special, je ne connais pas du tout, dans une autre langue, machin, enfin, pas forcément l'anglais ou le français, genre un special en espagnol, je vais le regarder, mais en gros, je vais mettre quelques semaines ou quelques mois à trouver le temps de regarder. Alors que si, Dave Chappelle ou... Là, tu l'as dit. Ah, voilà. Dave Chappelle, Eddie Griffin ou Eddie Murphy ou même Kevin Hart, il sort un truc. Mais à minuit, frère, à minuit, d'où 24 heures, ça tombe pas 24 heures, à minuit, ouais, le gars il sort ça à 21h, à 21h, 0,001 millième de seconde, et ben t'es dessus, parce que c'est ouf. Ouais, mais pourquoi je me suis donné 24 heures? C'est parce que, si tu veux, je suis en cohabitation avec une femme et des enfants. Et du coup, je dois trouver le temps de regarder ça tranquillement. Et surtout, je dois aller travailler pour pouvoir me nourrir et les nourrir par la même occasion. Donc, c'est pour ça. Je compte 24 heures pour être large. La plupart du temps, c'est dans la minute qui suit. Dès que je vois la notification, je vais me jeter dessus. Si j'ai l'occasion, je le fais, quoi. Mais je me souviens plus. Tu bosses dans quoi, déjà? Moi, je suis chauffeur de bus à Bordeaux. Ah oui, c'est ça. C'est vrai. Je me souviens maintenant. Bah oui. Voilà. C'est trop cool, ça. Mais t'as qu'à regarder en conduisant. Mais tellement. Chose à ne jamais faire ni à conseiller, tu vois. Bah, ça, c'est le genre de truc à aller en prison. Honnêtement, je ne sais pas si les gens verraient la différence entre ma conduite normale et ma conduite en ayant les yeux sur Netflix. Je ne sais pas. Non, faites attention. Ne conduisez jamais en regardant un spectacle, même si c'est un bon spectacle. Voilà, ça ne dépend pas de la qualité du spectacle. Même un spectacle pourri ou un spectacle chef-d'œuvre, ne regardez pas le spectacle pendant que vous conduisez. Brossez-vous les dents. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Mangez 5 fruits et légumes par jour. Et respectez les humoristes quand ils montent sur scène. Ne parlez pas, ne mangez pas, ne buvez pas trop avant. Ne respirez pas. Par contre, rigolez. Rigolez, c'est important. Voilà, respirez, rigolez. Débrouillez-vous pour vous caler entre la respiration et le rire. Et justement, en parlant, je parlais il y a 2 secondes là, des gens bourrés, des gens qui boivent avant de venir. Tu as eu des anecdotes de personnes bourrées dans la salle ou pas? Oui. Oui, j'ai eu un jour, je jouais. Et le mec, il avait bien aimé mon sketch, Et j'ai enchaîné sur un deuxième sketch. Et le mec, il était bourré. Il se lève, il dit Hey, change de sketch. Reviens sur le sketch précédent. Refais-le. Remets-le. On dirait qu'il parle d'un CD. Mais je te jure, mais j'ai eu ça. J'ai un mec bourré. Jamais bourré. Bon, bah après, je me suis fait traiter de négro, mais ça, déjà, c'est. Mec bourré, il se lève et tout. Bon, il s'est fait dégager de la scène ouverte. J'ai eu quoi d'autre? Des mecs bourrés. En fait, c'est mine de rien, c'est un bon entraînement. Parce que si tu arrives à capter des mecs bourrés ou des nanas bourrées, si tu arrives à capter des gens bourrés, ça veut dire que ton stand-up est vraiment bon. Tu vois ce que je veux dire? Parce que les gens bourrés, ils ont pas que ça. Quand dans la tête d'un mec bourré, ton stand-up est meilleur qu'une pinte, franchement, t'as un niveau. Tu vois ce que je veux dire? Mais je suis d'accord avec toi. On devrait mettre ça comme une espèce de label sur les photos de nos spectacles, sur les affiches. On devrait mettre un mec bourré, genre GG, tu vois, un mec, tu vois, avec une grosse pinte dans la main et qui fait un pouce avec son autre main, tu vois, genre un pouce en l'air, en mode je valide ce spectacle. Je valide ce spectacle parce que pour le mec bourré, qui mange des cacahuètes en même temps et qui te regarde et qui normalement ne t'écoute pas, il est venu là pour boire, tu vois. À partir du moment où il se retourne et qu'il t'applaudit et qu'il se marre et qu'il dit waouh, wow, c'est génial. Ok, oui, c'est un mec bourré que t'as dit ça, donc ça n'a aucune valeur émotionnelle, psychologique. Mais en même temps, si on reprend ça dans l'autre sens, c'est un mec bourré qui t'a dit ça. Franchement, tu as réussi à le capter. C'est ouf. Je pense que c'est un petit peu une espèce de bonus stage, tu vois, comme dans les jeux à l'époque, comme dans Street Fighter et tout, c'est quand il fallait casser la voiture ou casser les trucs qui arrivaient et tout. Je pense que c'est un peu ça, c'est-à-dire que ton stage normal, c'est de battre Ryu, tu vois, voilà. Et le bonus stage, c'est de mettre le mec, genre le mec bourré, de le mettre dans ta poche. Mais c'est tellement rare qu'on finit rarement par le valider, ce bonus stage quand même. Hein. Franchement, ah oui. Oui, c'est un bonus stage qu'on aimerait bien éviter. Bah, j'avoue, on aimerait bien l'éviter, et surtout quand il arrive, parce qu'on ne peut pas le décider, malheureusement, tu sais, on ne te prévient pas ce soir, attention, bonus stage. Hein. Non, il n'y a pas ça. On aimerait bien pouvoir l'éviter, et le problème, c'est que quand ça arrive, c'est déjà trop tard. Le mec, il est déjà bourré. Donc, même si tu lui dis. ou déjà sur scène. Ou déjà. Là, c'est un peu plus gênant déjà. Là, c'est un peu plus gênant. S'il te plaît, GG, tu veux bien descendre? J'ai un sketch à faire, s'il te plaît. Tu peux arrêter de lâche ma main maintenant. Allez, voilà. Et tu sais, ils sont pas très coopératifs en fait, les mecs bourrés. Je sais pas ce que tu as eu toi, mais moi franchement, des mecs bourrés coopératifs, j'en ai pas vu des masses. Ah non, parce qu'il n'y en a pas beaucoup, mon ami. Il n'y en a vraiment pas beaucoup, hein. C'est ça. Hein. Ben, moi, tu sais, je l'avais raconté il y a longtemps dans l'épisode avec Emma de Foucault. J'avais raconté qu'une fois, j'avais joué à Angoulême. Et j'ai eu un peu le même cas que toi, tu sais, donc le mec qui s'est levé et qui t'a crié « négro » et tout. Et bien moi, j'ai eu un peu le même cas, c'est-à-dire que dans mon intro de spectacle, tu vois, je fais taper les gens dans les mains, je leur fais répéter 4 phrases, et dans la 4e phrase, je leur fais répéter « wesh bougnoul », et ça marche, hein, les gens répètent, tu vois, ils rigolent et tout. Et donc, je ris de ce mot-là, tu vois, donc ça passe. Le truc, c'est qu'à un moment, je dis « ouais, est-ce qu'il y a des gens qui fêtent leur anniversaire aujourd'hui ?» Et t'as une dame qui lève la main, donc une dame, on va dire… alcoolisé, pour dire ça proprement. Bah, je voudrais éviter de dire complètement torché, en fait, mais je crois que c'était complètement torché. Mais, en fait. Si toi, tu veux l'éviter, bah, moi, je te le dis, hein, torché. Elle était torchée. On va pas se mentir, elle était torchée. Et donc, je lui dis, ah, c'est ton anniversaire. Moi, j'y croyais, comme un benet, tu vois, vraiment, un mec bourré qui lève la main pour un truc ou une meuf bourrée, bah, ça veut rien dire. Bref, donc je demande, je dis, ah, c'est ton anniversaire. Je dis, ok, et c'est quoi ton prénom? Donc, je voulais chanter la chanson. Et elle me fait, je m'appelle Bougnoul. Oh, chaud. Oui. Chaud. Et du coup, ce qui s'est passé, heureusement, à ce moment-là, tu sais, réflexe de survie, ton cerveau, il va à 1000 à l'heure à ce moment-là, tu as l'adrénaline à fond et tout. Ce que j'ai fait, j'ai dit, bon, à part Marine, est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui fête son anniversaire? Tu vois, je l'ai appelé Marine. Donc, voilà, ça a permis en fait de détendre tout le monde, mais ce n'était pas gagné à la base. Et le pire, c'est qu'à la fin, je me suis dit, il y a un chapeau, donc je veux voir combien elle va mettre Marine. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit. À la fin, juste avant de terminer, c'était moi qui présentais la soirée, je dis, alors, mesdames et messieurs, il va y avoir un chapeau, vous mettez de l'argent pour les artistes, s'il vous plaît, machin. Enfin, j'ai présenté ça un peu mieux, tu vois. Et après, j'ai dit, toi, la Marine et tout, je dis, toi, je veux voir combien tu vas mettre dedans. Toi, tu as intérêt à mettre des billets, toi, tu n'as pas le droit aux pièces, toi, tu vois. Et bizarrement, elle s'est barrée avant le chapeau. Non. Ah, bah, et, peut-être qu'elle avait donné ses derniers sous dans l'excellent breuvage qu'elle avait consommé. Je sais pas. On vit quand même des trucs de ouf. Hein. On vit des trucs de ouf, mais je vais te dire un truc, Nilsson. Si on avait réussi à récupérer le dixième de l'argent qu'elle avait mis dans la boisson ce soir-là, je roulerais peut-être en Ferrari. Ah, mais ça c'est sans hésiter. Hein. Sans hésiter. Bon, mais ça fait quand même la beauté de ce métier. Et puis, c'est un plaisir d'avoir pu te recevoir dans le podcast et d'écouter un petit peu tes anecdotes et tes réflexions sur le monde de l'humour. Et, Ouais, avec un grand plaisir. Alors, je vais pas raconter pas beaucoup de choses, mais j'ai pu passer du temps avec toi. Et ça, c'est génial de discuter avec toi, de parler un peu de tout, de la vie, de l'humour, des gens qu'on rencontre. C'est bien. Donc, moi, c'est quand tu veux, tu m'appelles. Et je viens te voir. Et puis, si j'ai d'autres histoires, je te raconterai. Mais oui, mais en gros, mes plus grosses histoires, c'était ça. Après, j'ai aussi joué avec Kenny et d'autres humoristes. On a fait un plateau d'artistes et Elodie Pou aussi, je crois. On a joué tous les trois dans un hôpital psychiatrique. Ah oui, d'accord. Oui, je te raconte celle-là comme ça, voilà, cadeau pour la fin. on joue tous les trois en hôpital psychiatrique. Dans un hôpital psychiatrique, il y a, à Nantes en tout cas, il y avait une partie où effectivement, tu as les malades qui ont des problèmes psychologiques, et puis tu vas voir aussi ceux qui ont des problèmes un peu physiques. Par exemple, ils ont eu un accident de voiture, ils sont restés tétraplégiques, d'autres ne peuvent pas forcément bouger, d'autres ont eu des problèmes cérébraux. Voilà, il y a un peu tout ça. Et on va jouer pour essayer de donner de la pêche, essayer de faire des belles choses. Il y a aussi des personnes âgées qui étaient dans cet hôpital-là. Voilà, il y avait de tout. Autant te dire que là, on était sur le summum de tout ce qu'il pouvait avoir pour que ça foire. Et en fait, à un moment donné, nous on arrive, on dit voilà, on aimerait quand même bien jouer, on n'aimerait pas les mettre mal à l'aise sur tel propos, alors. Qu'est-ce qu'on peut dire, qu'est-ce qu'on ne peut pas dire? Et en fait, l'un des médecins, enfin l'un des personnes qui s'occupait d'eux, disait « Vous pouvez dire tout ce que vous voulez, ça passe, entre nous on s'amuse, entre nous on rigole, donc on peut même les appeler les cotoreps, ça passe, on s'en fout, tout passe. » On dit « Ok, on peut y aller, on ouvre les vannes. » Kenny monte en premier sur scène, première vanne, « Salut les cotoreps !» Autant te dire que là il s'est fait huer, « Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas normal, c'est une honte de dire ça !» Ça et tout, alors qu'on lui avait dit justement qu'auparavant ça faisait marrer. Autant te dire que four, moi, ouais. Elodie passe derrière, elle balance, moi, tu sais, elle a un humour un peu noir, donc elle dit, moi, je tue les chats et tout. Il y a le mec qui dit, ah non, tu tues pas les chats, ah non, t'es méchante. C'est ouf quand même. Et tu penses que, alors, pour le coup d'avoir dit, vous pouvez les appeler les cotoreps, machin, et, est-ce que tu penses que c'était un piège ou est-ce que le mec était sincère quand il l'a dit? Non, en fait, le mec, et puis moi, je suis passé derrière et je me suis fait pourrir aussi. En fait, le mec, il avait raison. C'est-à-dire qu'il pouvait s'appeler comme il voulait, mais parce qu'ils se connaissaient, parce que ça faisait partie de leur façon à eux, quotidiennement, de s'amuser et de d'extérioriser beaucoup de mots, tu vois ce que je veux dire. Ouais. Alors que moi et les autres humoristes, on arrive du jour au lendemain et on essaye de faire comme eux. Ils n'étaient pas prêts. Ils acceptent ça que de la part des gens de leur cercle, quoi. Ben oui, en gros, c'est comme si tu as deux, trois noirs qui se regardent et se disent « Salut, négro ». Ouais, faut pas sentir la même. Voilà, tu arrives et tu dis ça, ça va être mal pris parce que c'est un autre code. C'est autre chose. Et là, c'est exactement ça. C'est un autre code, c'est autre chose. On arrive, on fait ça, mais pourquoi? Et en tout cas, c'était vraiment le bide. Je crois que c'était le bide de notre vie à tous les trois. D'accord. À tel point, c'est le genre de bide. Tu rentres chez toi, tu prends une douche, tu prends une couette, tu te mets sous la couette et tu pleures. Tu fais... Tu vois, tu fermes ta porte à clé, les gens tapent à ta porte, tu dis « Non, j'ai envie de voir personne !» Tu vois, tu te remets en question. En fait, tu remets en question ton art et tu remets en question ta vie derrière, tu vois, c'est ouf. Mais oui, tu remets en question l'univers, tu remets en question le tout. Tu remets tout en question, tu te dis mais quelle est ma place dans ce monde? Je ne suis qu'un grain de poussière, je ne suis qu'une parcelle du néant. Voilà, tu vois ce que je veux dire, et tu pleures, on est sorti de là, on a pleuré. Question, si on a même accepté de se faire payer pour ça. Je pense qu'à un moment donné, on a dit, vous inquiétez pas, le mec enfin, a dit, je vous envoie la facture, je dis, vous inquiétez pas pour la facture. Vous voulez juste oublier ce moment, quoi. Oui, j'aimerais juste Voilà, vous inquiétez pas pour ça. En tout cas, merci beaucoup. Bonne journée, au revoir, tu vois. Ben, d'ailleurs, quand on sait les problèmes, parce qu'en vrai, il ne faut pas être équilibré pour faire de l'humour. Hein. Moi, le premier, je pense qu'on est tous des déséquilibrés, tu vois. Et le fait d'avoir joué dans un hôpital psychiatrique, est-ce qu'ils vous ont laissé ressortir c'est-à-dire, est-ce que le nombre d'humoristes qui est ressorti, c'est le même nombre de ceux qui sont entrés ou pas? Franchement, ils auraient pu nous laisser dedans. Parce que ouais. C'est clair, un humoriste, c'est un fou qui exprime sa folie sur scène. S'il exprime en dehors de la scène, bah, il va dans un hôpital psychiatrique. S'il exprime sur scène, il peut aller à l'Olympia. Tu vois, il n'y a pas une grande différence, en fait. Tu vois. D'accord. Donc on est tous fous. On a tous nos petites névroses. Et ce sont ces névroses-là qui font que, eh bien, il y a une différence sur scène lorsqu'on fait quelque chose d'artistique. D'accord. Tous. Et... quand tu te mets devant Wembley et que tu cries « Eh oh, bibi, eh oh !» Et le public derrière toi fait Méo, Bibi, Méo. Il faut être fou. Bon, ben, la référence à Freddie Mercury, non, mais c'est clair, il faut être fou, tu vois. Oui, oui, il y a une espèce d'invitation à rejoindre sa folie sur scène. En mais fait, t'invites les gens à rentrer dans ton univers de folie. Et, oui. Et quand ça se passe, c'est une belle cohésion et ça fait plaisir vraiment à vivre. Ouais, voilà, je vois très bien la scène dont tu parles à la fin de Bohemian Rhapsody, le film. Oui. Et c'est génial, tu te dis, mais c'est incroyable ce qu'ils ont dû vivre sur le moment, quoi. Ben oui, et c'est comme Philippe Catherine qui va te chanter « Non mais laissez-moi manger ma banane ». Sérieux? À quel moment tu te dis que cet homme est équilibré? À quel moment? J'avoue. Tu prends ouais. Julien Doré qui fait « Sur la plage, Coco Caline ». Tu dis « Oui, il en a pris. Oui, oui, il en a pris de la Coco Caline. il en a pris, ce jeune homme. » Tu vois, un dernier comme ça, parce que ça me fait penser, pour ceux qui sont nés dans les années 80, les Boys to Men, depuis quand tu chantes avec une chemise ouverte? Bah, disons que si moi je chante avec une chemise ouverte, ça va être gênant. Mais depuis quand? Depuis quand les gens chantent avec des chemises ouvertes? Non, mais il faut régler cette histoire, tu vois. Bon, bah, voilà, histoire de dire que tout le monde, tous les artistes sont fous. C'est pour ça que Lady Gaga se balade avec des costumes en viande. Autant te dire que oui, là je pense qu'on atteint un stade. Tu prends tous les artistes, il y en a toujours un. Tu dis, ouais, c'est un artiste. Et parfois, les artistes, ils font n'importe quoi. Tu dis, ouais, c'est un artiste. Et parce que c'est un artiste, ça passe. Ouais, ouais. Est-ce que quelque part, ton message à toutes les personnes qui sont, comment dire, déséquilibrées mentales et tout, c'est de monter sur scène plutôt que d'aller à l'hôpital psychiatrique? En tout cas, c'est avant d'y aller, monter sur scène. D'un côté, vous allez peut-être payer. De l'autre côté, vous allez peut-être payer pour continuer à être fou. Donc, tant qu'à faire, essayez d'abord la version la plus avantageuse pour vous, quoi. Donc, C'est vrai. En gros, montez sur scène. Si jamais vous sentez des vannes qui sortent ou une chanson, tout va bien. Si jamais vous sortez un couteau plutôt qu'un album, allez à l'hôpital psychiatrique. En tout cas, ben, merci beaucoup, Nilsson, d'avoir partagé ta folie, une partie de ta folie avec nous. Et donc, où est-ce qu'on peut te retrouver sur les réseaux sociaux? Nilsson sur Instagram. Nilsson, en fait, je tape toujours Nilsson officiel. Donc, Nilsson officiel sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube. Et puis nilsson.fr, là où vous avez vraiment la possibilité de me retrouver partout. Je mettrai les liens vers Facebook, Instagram, YouTube et ton site officiel, pas de souci. Ben, merci beaucoup mon ami. Merci à toi, c'était un plaisir. Et pour ma part, vous me retrouvez également sur tous les réseaux sociaux. Donc Sofiane Etaï, E de TAI, sur Facebook, Twitter, YouTube, Instagram et TikTok. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Attends. T'es sur TikTok? Oui. je sais. Mais je t'ai perdu, frère. Reviens parmi nous. Non, moi, mais je t'assure. Alors je te rassure, tu me verras pas faire de chorégraphie sur Savage Love. T'inquiète pas. Non, mais déjà. Oh là là là là. Non, j'essaie de faire des trucs marrants. Non, j'essaie de faire des trucs marrants, je te promets. Je propose du contenu, je swipe pas beaucoup, je regarde pas beaucoup le feed, en fait, j'ai pas beaucoup de temps, quoi. De temps en temps, je regarde et puis hop, il y a une vidéo marrante avec laquelle je peux faire un duo ou un collage ou utiliser le son. Mais non, franchement, je propose, en fait, c'est plutôt moi qui propose des vidéos qui ne percent pas. Voilà. Eh ben, tu sais quoi? Tu auras un spectateur de plus, un follower de plus, parce que là, on se quitte, j'irai sur ton TikTok. Avec grand plaisir. Bah, tu sais quoi, si ça peut me permettre, si grâce à toi, je peux doubler mon audience, merci Nilsson. Du coup, tu viendras me voir à Avignon. Avec grand plaisir. Eh bien, merci beaucoup. N'hésitez pas à laisser 5 étoiles et un commentaire sur Apple Podcast et sur Podcast Addict. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bisous à tous, même à toi là-bas.